rock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Bien. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec 13 songs qui vient de nous rejoindre dans le studio. Welcome on Skyrock. Par merde. Ça commence fort, Elsa, tu vas nous traduire donc tout ce qu'il dit. Il est prêt pour l'interview de merde. C'est l'interview de merde, en effet. On va passer une heure de merde, voire plus. We're gonna spend one shitty hour. One shitty hour, guys. Fuck. Bon, quelle merde il a bouffé en France alors? Well, I've only been here a few. I got here this morning. Ah, il est arrivé que ce matin. Yeah, il a pas eu le temps de faire de la merde. So I had a merdy breakfast. Ah, c'est un petit déjeuner merdique. Bon, il est arrivé d'où? Where was that? Shit. Merde. Merde. Merde. I was in New Orleans. Nouvelle-Orléans. I came from New Orleans. I did a jazz fest there, which is actually like a big festival. It's my first time doing it. Il a fait un gros festival là-bas, qui est un festival de jazz. C'est sa première fois. Yeah, so we flew. And we got here this morning. I probably was checked into the hotel by like 9. Et il arrive à l'hôtel vers 9h ce matin. I was on the phone with my producer all day, and then we came and we did like a television show that was pretty cool. Ils ont fait une émission de télé. And then we came here straight to you guys. Et puis ils sont venus nous voir. Et ben il a bien raison. The most important merde of the whole France. Ouais, la merde la plus importante de France. Et ben qu'il soit bienvenu dans ce studio de merde. I've been in this shitty studio 30 times. Il love it here. 30 fois dans ce studio de merde, il adore. This is a great place actually. I thank y'all for welcoming me. Non, back. Franchement, merci, il adore revenir. Bon, l'album est dans les bacs, c'est Tressong, notre invité pendant une heure sur Skyrock avec une interview, des lives exclusives de Tressong. Comment il va depuis la sortie de cet album qui s'appelle, je veux dire, la française, Trigger? I've been good. Ça va bien? I've been very well. Finished up this album, Trigger. And this is interesting actually, because I haven't done any interviews in America about the album yet. This is actually my first sit-down radio interview I'm doing about the album. Ah, c'est sa première promo sur Trigger. Pour l'instant, il n'en a pas fait du tout d'interview radio sur l'album aux États-Unis. C'est la première. Eh bien, j'ai envie de lui dire comme on dit. C'est une merde spéciale. J'ai envie de lui dire, c'est quoi, j'allais dire, comme on dit en France. Merde pour ton album. Yeah. Real. How the hell does that work? Ouais. Il y croit pas trop, mais shit. I know, I promise it's how true. How shitty and good when luck. When you say merde, it's supposed to mean good luck. And this is why I love the French people. C'est pour ça qu'il adore les Français. Because you can make one word, like, that's an easy way to get out of some shit. You're full of merde. C'est facile de sortir de la merde avec ce genre de merde. Bon, est-ce qu'il est content? J'ai l'impression en tout cas qu'il est content et qu'il a l'air d'aller très bien. Thank you. Mm-hmm. You notice the guns, huh? T'as remarqué la muscu et tout? Bah, yeah, I'm very happy. I'm doing very well. I'm actually very tired right now, but my energy is up because I'm so excited to be telling people about the project. It's been a while since I've been here, and we're actually doing a private listening event where I'll be playing a bulk of the album for some special fans and some special people. And like, I'm just going about it. The project is very much close to my heart. It's my sixth album. Sixième album qui est très proche de son cœur. Et là, il est assez surexcité parce qu'en fait, il va le diffuser pour quelques fans en exclusivité. Donc voilà, il est assez content et il est assez hâte. Bon, on peut dire qu'on a eu de la chance. Il nous a fait quelques extraits inédits de cet album-là. Merde. Et ben ça m'a l'air bien parti en tout cas. Yeah, and Nana is doing very well. Thanks to all the fans that are listening right now, all my angels, my French angels, my angels that hold me down, hit me up on Twitter all the time. They're on the Angel Network, and please tell the people here about the Angel Network. Parlez à tout le monde du réseau Angel ici. Remercie tout le monde sur Twitter, sur tous les fans français qui le soutiennent. Il les remercie vraiment. Bah, c'est vrai que le morceau, il en parlait un instant, Nana, tout de suite, les gens ont adhéré tout de suite. Hein. Yeah, and like I said, we actually released the song on my app, the Angel Network, that's free on iPhone and Android, and I have a lot of users here in France that I'm very excited about. Ils ont sorti la chanson gratuitement sur son application dont il nous parle justement, et il y a quelques utilisateurs ici en France, donc allez-y, téléchargez. Elle est téléchargée gratos. Ouais, gratuit. And I give away like all exclusive content on there. My video was released there, the Nana video where I'm working on and all that. And we will be releasing another video entitled Smartphones, which is actually a song I sung for you guys here, a cappella. Il y aura aussi la vidéo de Smartphones qu'il a chanté pour nous, qui sera également diffusée sur cette application, ainsi que plein d'autres contenus en non-stop. On passe une heure avec 13 songs. C'est les numéro 1 US cette semaine dans Planète Rap entre 20h et 21h. Il est 20h pile. On va écouter d'ailleurs deux sons de 13 songs maintenant. Deux sons qu'il a chanté en live dans le studio. On retrouvera aussi l'interview. Il nous parlera d'ailleurs du morceau Nana, des secrets de l'album, de sa carrière 13 songs. À écouter avant 21h avant de retrouver la radio libre de Default. Et puis j'ai aussi à vous filer. Alors ça, c'est pour tous les freestylers cette semaine. Inscrivez-vous avec un petit message 41759. Laissez bien votre prénom, numéro de téléphone. Il y a pour vous ensemble t-shirt plus veste Projet X, nouvelle marque de fringues à découvrir. C'est une valeur de 105€ à choper. C'est aussi dispo sur la boutique officielle.com. Projet X avec la veste, le t-shirt pour tous les freestylers cette semaine. Inscription par téléphone 41759 et 13 songs par deux fois. C'est ce qu'on écoute maintenant. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Put your hands in the air, Trigger. Must it on a beat? Huh? Look what you done started. Oh nana, why you gotta act so naughty? Oh nana, I'm about to spend all this cash. Oh nana, if you keep shaking that ass. Oh nana. Put your hands in the air if you're loving tonight. Keep your hands in the air if you're spending the night. Everybody say it like. Everybody say, baby, I'm the one you like, yeah. I'ma give you what you like, yeah. Oh yeah, I'ma give it to you right, yeah. Best time of your life, yeah. Oh. Yeah, baby, when you ready, tell her ways, get checked. Girl, I know you ready, I ain't even gotta check. You been through the worst, let me show you who the best. You know I'ma get you right, curtain boys to the left, like. Oh, nana. That's right. Look what you done started. Oh, nana. Why you gotta act so naughty? Oh, I'm about to spend all this cash. Oh, nana. If you keep shaking that. Put your hands in the air if you're loving tonight. Keep your hands in the air if you're spending the night. What's up? Everybody say it like. Everybody say. You the one that's hella bad, yeah. You the one they never had, yeah. Oh yeah. All the problems you done had, yeah. Lead them broke fellas in the past, yeah. Oh yeah. Girl, you had good, but I could sing along, sing along, sing along. I'll have you thinking about forever. I'll make you say, oh, oh. Look what you done started. Look what you done started. Oh, why you gotta act so naughty? Acting a fool, fool. Hey, about to spend all this cash. Oh, nah, nah, nah, nah, nah. If you're loving the night, hey. Keep your hands in the air if you're spending the night. Oh, nah. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Oh, nah. Oh, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Everybody say, woo. I'm feeling lucky tonight. When we lay this party, you gon' be nice. Everybody say, hey. You feeling lucky. You gon' have me tonight. Oh, oh, nah, nah, put your hands up. Put your hands in the air if you love it. If you love, love, loving. Keep 'em up. Keep your hands in the air if you're spending the night. Oh, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Everybody say, everybody say, everybody say, oh, ooh, ooh, ooh, nah, nah, nah, nah, nah, hands in the air, nah, nah, nah, nah, nah, hands in the air. Nah, nah, nah. Hands in the air. Ooh, hey. Put your hands in the air. Keep your hands in the air. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Don't move much, man. Oh baby, what's your name? Go girl. It's your birthday. Oh, but why? I know you. Hey, say. Yeah, you can turn me up a little more. And we don't buy no. That don't let me use it. Let me use it. Full of money, club don't jump till I walk inside that doorway. Bottles of that rosé, smelling like Dolce and Gabbana. Shout out to you, the baddest, and to meet you is an honor. La mama, I got a table waiting, what you think about a combo? If you like it, baby, we could take it to the condo. You like the condo, we move that body to my bedroom. I'ma beat your body like a Congo. Since we in the club, might as well get another. I know this ain't nothing in your cup. So get here, Skyrock, baby, what's up, what's up? Go girl, it's your birthday, yeah. Oh, but I know you're thirsty. Say, if we don't buy no that don't let me use it, yeah. If you want me, say. Try to dance like a video vixen. Said her man be on that bullshit pimpin'. Will I retire from the bull like Pippin? I'm tryna get you on my, who gon' be my Simpson? Whip out front, we can leave pronto. Maple leaf dash, got you feeling like Toronto. I make your body rise like you're puffin' on a joint though. Girl, that's only if you want though. Since we in the club now, might as well get another round. I know this ain't nothing they got. So get here, baby, let me fill it up, fill it up, girl. Pop champagne, cause we got that dough. Let me hear you say that right, let me hear you say. If you know the words, sing along. I'm your doctor. All I prescribe is cranberry and vodka. Then I'm trying to kick it, play a little soccer, and bust a couple off. Block out, block out. The Henny in your system. You start drunk texting and suddenly you miss him. Or you even wanna diss him. Then you call your girl like, what the hell you gave me? She like, don't blame me. You better do like Jamie. Nice. And blame it on the liquor. He works every time. Patron, you my nigga. Know it's somebody's birthday. Well, where you? And I know you're thirsty. It's your birthday. Oh, but why? I know you're thirsty. Say ah. Say ah. We don't buy no, no, yeah. Cause we got that dough. Let me say, say, say ah. Say ah. Drinks at the bar, pop champagne, cause we got that dough. Let me hear you say, that right, let me hear you say. Again, go girl, it's your birthday, open wide, I know you, hey. What the fuck was that? Skyrock, we in it, bitch. Songs avec nous pendant une heure, interview exclusive, des lives aussi qu'il a enregistré pour les auditeurs auditrices de Skyrock. Vos messages avec le hashtag 13 songs sur Skyrock, ça arrive directement dans le studio. 13 songs, on l'écoutait la part deux fois, donc il y avait Say Ah et le morceau Nana. Le morceau Nana, je crois que si j'ai bien compté, il devait avoir 12 ans puisqu'il utilise un sample des Fugees, hein, le fameux Fugee là. Way older than that. A lot of people actually don't know that the Fugees actually got that interpolation from Tina Marie. Ah, c'est encore plus vieux parce que les Fugees eux-mêmes utilisent un sample. Ouais, God bless our soul. So we got the blessings from her estate, and it was just a remarkable thing to be able to use such a great sample and to like re-engage people with it. And the Fugees, The Score, was actually the first album I actually bought with my own money. So The Score, en plus, c'est le premier album des Fugees qu'il a acheté avec son propre argent quand il avait 12 ans. That came c'était 96 out. Je crois la it sortie. Was in like 96. Yeah. March 1996. How do you know this? Comment tu sais? How do you have this knowledge? J'ai une mémoire de merde, March mais pour 1996, ça, je m'en souviens. He has shitty memory, up. But he knows this. March 1996, yeah, I was 12. That's crazy. Ouais, il avait 12 ans, c'est vrai. How do you know my age, man? Comment tu sais quel âge il a? Is this a private investigator? Is he... Ouais, en fait, t'es de la CIA, il y a un truc bizarre. Yeah. Yes. C'est ça, j'ai la gueule d'un mec de CIA. Yeah, he look like he's some secret shit. Comme un agent de merde. Comme un agent de merde, voilà. I don't know how I feel about this, man. Ouais, able... Là, du coup, il est plus très à l'aise au niveau de l'interview. Si, qu'il soit détendu. Don't worry, relax. Tout devrait bien se passer. Right. Can I call you if I need something? Il peut t'appeler s'il a besoin de quelque chose. Oui, tout. Anyway. Parce que là, bon, on en était à ses 12 ans, mais on va parler de ses 13 ans où il est sorti avec la petite Victoria. This is getting creepy. Ouais, là tu le fais un peu flipper. This par is quoi. Getting creepy. I still talk to her every now and then. Il lui parle toujours de temps en temps en plus. C'est vrai? Really? Sometimes. Ouais, parfois. Bon, elle va bien. Victoria is a made-up fictional character, guys. Do not get too caught up in the rap. Il dit, ne vous emballez pas, c'est un personnage fictif, Victoria. Non, juste pour revenir deux secondes, c'est vrai que ça fait partie, lui, parce que je suis pas remonté aussi loin qu'en effet le son de Tina Marie que les Fugees avaient pompé, mais sur le Fugee là, est-ce que ça fait partie de son inconscient? Il nous disait que c'est le premier album qu'il a acheté, c'est un album donc marquant pour lui. Ah, I think it was an important album for not only myself but for the culture of hip hop and R&B. It showed like so much diversity. Lauryn Hill being one of the first females to sing, rap and play instruments and do it so well, and Wyclef being one of the most prolific producers there ever was, you know what I mean? Ouais, Lauryn Hill, c'est une des premières femmes à rapper et à le faire aussi bien. Wyclef, un des premiers producteurs, donc non seulement c'était marquant pour lui, mais pour toute une génération, quoi. So to have people be reminiscent of the Fugees, I think that's great company to have people in the mindset of when they hear my music. Ouais, donc il dit que c'est cool aussi d'être comparé, qu'on se rappelle de ce titre-là lorsqu'on écoute sa musique. Bon, après, il y a des reprises, ou du moins des samples qui sont utilisés, qui sont pas tout le temps réussis. Là, celui-ci, bravo, j'ai envie de dire. Yeah, it's just, I'm hot, you know what I mean? I'm pretty good at this. Ouais, il sait ce qu'il fait, il est bon. Très Songz est bon, il est là avec nous pendant une heure. On écoutera encore des lives de Très Songz, des extraits de son album aussi, qui est dans les bacs. Album qui s'appelle Trigger, l'album de Très Songz à découvrir si vous connaissez pas encore. Vos messages au 41759. Et puis le son de Skyrock, c'est aussi H Magnum avec le DJ Skyrock, puisqu'on le retrouve le dimanche soir de minuit à 1h pour Rise Supreme. C'est DJ Case, H Magnum sur le morceau avec Maître Gims. Voici du swag maintenant. Sur Skyrock. H Magnum avec Maître Gims sur le projet DJ Case qui sortira le 25 août prochain. Ce sera d'ailleurs le premier Planet Rap de la rentrée de la saison 2014-2015. Ce sera la semaine du 18 août, à pas louper. Avec DJ Case qu'on retrouve aussi le dimanche soir pour Rise Supreme entre minuit et 1h. Le retour de Très Songz, c'est dans un instant, la suite de l'interview. Des lives, des extraits de son album, bougez pas. Vous en freestyle aussi, ça arrive. Et Ed Sheeran qui va singer avec Nekfeu. Un instant, et Lacrim aussi, tout le monde veut délover. Écoutez sur Skyrock. Lacrim dans Planet Rap, tout le monde veut délover. Lacrim qui viendra à la rentrée aussi pour la saison 2014-2015. Il présentera début septembre son album dans Planet Rap. Ce soir, on est avec Très Songz, suite de l'interview et puis 15-20 minutes de son de Très Songz. C'est dans un instant avant de retrouver la radio libre de D-Fool, un petit peu avant 21h sur Skyrock. Et par téléphone, on est avec Nahir. Ouais. De Boboche, Bobigny. Comment ça va, Nahir? Ouais, très bien. Hein. En pleine forme, les vacances? Toujours. Et bah, ouais, toujours. Ouais. Prêt à rapper? Ouais, prêt. C'est parti, maintenant session freestyle par téléphone, on t'écoute. Ok. Ça fait. N-A-H-I-R, Boboche, 93. Ça fait. Depuis un certain temps, beaucoup de choses que j'entends commencent à me déplaire. Ils sont de sa cause, sont des enfants, je les se concentrant dans cette affaire. Ils cessent des thèses, mais emploient mes textes de la même manière que moi, mes filles dans mes renards, ce n'est pas naïf de l'année dernière. On va te rater, rien sert de courir, et pourtant j'ai des prêts. Je trouve que tu la fermes, mais je peux pas faire pour clair. Sors de ton cercle, tu traces des éthers. Je t'explique en 2-4-6. Forceur que t'es un site, sinistre et de vie, tu m'invites en fit, mais moi je te gifle. Ah, attention, fils de nique, je pisse dans le game depuis 3 piges. Tu piges, je démonte ton vie, ça défile et t'en oublie, je te pine. Mon dick deviendra platine. Mix ça son j'ai patine, des kids, les grands mots des enfiles, c'est pas assez, les donnes rappliquent, je suis pas dans le thème, faut-il que je le répète à chaque fois. Il persiste à nous tête, espèce les temps à chaque fois. Mais ça suffit, y'en a marre des mecs qui se reproduisent. J'écoute la concurrence, je me dis qu'il y a que des photocopies. Au cacarisme, on les papy. Et perso, j'en suis ravi. Tu crois dans le monde, tu n'as pas de style. Bouffon, c'est qu'un has-been. Dans les parages, on fait du sale. Dans la salle, tu remarques, on a la rage. J'ai tout niqué, lyricalement, fais attention, décalage. On n'est pas sur Sky gros, on est sur Skyrock. On fait les bails gros, quand on est sur Skyrock. On fait les bails gros, quand on est sur Skyrock. J'ai tout niqué, fais pas attention, décalage de la prod. Ok, ok. Ok, ok, Nayer. Bah écoute, terrible, mon pote, hein. Ah, merci. Tu mérites largement l'ensemble t-shirt et la veste Projet X d'une valeur de 105 euros. Qu'on peut mater aussi, hein, si tu veux voir à quoi ça ressemble, c'est sur la boutique officielle.com. Vous tapez Projet X et vous trouvez tout, bah, tous les produits Projet X. Et toi, t'as le t-shirt et la veste qui va avec. Ok, ok, merci. On t'envoie sa petite dédicace, petit message à passer. Ouais. Big up à mon équipe, comme toujours, GRM, Arsenal, Busy. Tous mes gars, Desani, Bobo et Sergi. Et allez nous suivre sur le Twitter officiel, Facebook officiel, c'est LEDG officiel. Et voilà, il y a plein de choses qui arrivent à la rentrée. Gros son, un gros featuring aussi, grosse surprise, on n'en dit pas plus. Eh ben merci à toi et bon courage pour la suite, Nair. Ok, ok, merci. Ciao, bonne soirée, on est avec Tressong ce soir sur Skyrock. Quel recul il a maintenant sur sa carrière? Parce que évidemment, au sixième album, on doit être un peu plus tranquille. Been a very long road. It's been very much enlightening year by year, album by album. My manager and I were just talking how I began hearing and friends at 500 seats. Excuse me, 500 seats. Then I moved up to 1500 and 2500 and 5000. Ouais, passé de salle de concert de 500 à 1500 à 15000 à 20000. Il en parlait avec son manager justement. Right, just looking back at my career, it's been a lot of hard work. Because beaucoup de travail aussi. I didn't have instantaneous success. Parce que le succès n'a pas été immédiat, instantané, donc il a fallu beaucoup travailler. Mais ça a été assez enrichissant, album après album. I've learned a lot, you know what I mean? I learned to appreciate so much of what I have year by year, album by album. I've learned a lot about myself. Il a appris beaucoup sur lui-même aussi, et du coup il apprécie voilà, tout ce qu'il a pu acquérir album après album et année après année. And within this album, I give people a lot of myself, whether it be, you know, love, whether it be relationships, whether it be something that happened last night, something that happened this morning, you know what I mean? It's very much true. Et dans cet album, il se livre beaucoup lui-même, que ce soit des relations, sur l'amour, un truc qui lui est arrivé hier soir. C'est un album assez honnête où il parle beaucoup de choses vraies. Est-ce qu'il peut nous dire au moins deux, trois petits trucs autour de cet album, qui a bossé avec lui, qui a produit, et quel sera le prochain single qui va arriver? Master, you know, DJ Master, who actually DJ Master, produced first, you know. I work with some cats by the name of interns who are young, very great producers. It's a lot of young, jeune interns. Up and coming guys that are great. Pas mal de jeunes, assez débutants. I don't give any features away yet because I'm still getting them. Les featuring, il en parle pas encore parce que c'est en cours, quoi. And you know, the thing about that, I've been caught out there before where I've actually said someone's name and then the song didn't make the album. Ah oui, et puis alors une fois justement il a balancé le nom d'un featuring et puis la chanson a pas atterri sur l'album, donc ça a été un peu la merde. Donc on dit rien. Voilà, donc on dit rien. Oh yeah, but it's a very up-tempo album. It has valleys and peaks. You know, it kicks off with a bang and then it takes you into a very mellow place and then it comes back around. And it has a very diverse sound from beginning to end. C'est assez diversifié. Il y a des trucs un peu up-tempo. Il y a des balades. Ça monte, ça redescend. Et depuis l'interview, l'album est arrivé dans les bacs là depuis quelques jours. Je peux déjà vous annoncer featuring qu'on écoutera dans un instant. C'est avec Juicy J. Là, c'est très songs live exclusif pour Skyrock. C'est ce qu'on écoute maintenant. Sur Skyrock, live exclusive de Tressong. À écouter vos messages, hein, allez-y, vous les balancez avec le hashtag Tressong sur Skyrock. Jusqu'à 21h, c'est Planet Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planet Rap spécial numéro 1 US. Yeah! It's Mr. Steel, girl. It's Mr. Steel. Skyrock, bottoms up, hey, we'll see you come. Your cup, got a couple bottles, but a couple ain't enough. Bottoms up, throw your hands up. Tell security, we about to tear this club up. Bottoms up, pockets full of green. Green, girl, you know I love the way you shake it in them jeans. Bottoms up, throw your hands up. Listen up, Skyrock exclusive, baby. You know what it is, girl, we back up in this thing. Money stay in my pocket, I'm like a walking bank. Why don't you tell me what you think? Tell me what you think. If I go get these bottles, we go alcohol insane. I'm calling all the girls, do you hear me? All around the world, city to city. Cheers to the girls, deuce to the guys. Now I got a chicken, goose in the ride, getting loose in the ride. Hey, Nas, niggas, you can move. Bottoms up. Come on. Got a couple bottles, be your alcohol hero, calling all the girls. You hear me? All around the world. City to city, cheers to the girl, juice to the guy. Now I got a chicken and a goose and a ride, getting loose and a ride. Hey, now nah, nigga, you can move, move, to the bottoms up, oh. They will see you come. Hey. Nigga, what's up? Can I get that drunk? Can I get that? Can I get that? Can I get that margarita on a rock? All around that room? Rum, Trey? Huh? I was like, yo, Trey? Huh? Do you think you could buy me a bottle of rosé? Yeah. Okay, let's get it now. I'm with a bad bitch, you the friend. She say, I say, keys to the bin. Keys to the bin. Keys to the bin. My big rock. Keys to the tin. If a bitch wanna get cute, I'm a snapper. Then we'll let the money out of you. Then I'm gonna sing along, ladies. A lady, I rep Young Money, you know Slim, baby. And we be doing donuts while we waving. Let's beat. We give a lot of money to the babies all around the world. Do you hear me? Do you like my body? Anna Nikki. Rest in peace to Anna Nicole Smith. Yes, my dear, you're so explosive. Say hi to Mary, Mary and Joseph. Now bottoms up, I double my dose. Bottoms up, hey, we'll see you cup. Got a couple bottles, but a couple ain't enough. Your bottoms up, hey. Bottoms up, throw your hands up. There's security, we bout to pack this club up. Bottoms up, bottoms up. Pocket full of pain. Pocket full, girl, you know I love pocket you full, baby. Oh, bottoms up, bottoms up, bottoms up. Shimmer. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Trigger. Mike Willman. Your boy Juicy J. Yeah. Y'all know what it is. You gotta hide your girl, man. We looking for a bruh. Thinking about relationships, I be on that late night shit. They going crazy for the DJ when he play the shit. They be on that late night shit. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 5 o'clock, 6 o'clock, you can hit your ball. If you ain't the type of bitch talking about relationships, hit me up. On that late night shit. On that late night shit. On that late night shit. Hit me up. On that late night shit. We on it. On that late night shit. We on it. Hit me up. Whoa. Hit me up. On that late night shit. Is this all for me? It's finna be a great night. A lot of fish in the sea. I'm feeling like a great white. Girl, you got a face like, oh, oh. Might wanna see you in the daytime. Oh, oh. If the money don't sleep, I ain't tryna close my eyes for a second. First I come second, better get this blessing. Better teach you this lesson. Get you out of that dressing gown. No, nothing but affection. Close up. If you wanna spend some time, baby, you know when the club is over. I'ma let you know ahead of time, baby. I ain't the type of nigga thinking about relationships. I be on that late night shit. They going crazy for the DJ. Play the shit. They be on that late night shit. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 5 o'clock, 6 o'clock. You can hit your ball. If you ain't the type of bitch talking about relationships, hit me up. Hit me up. On that late night shit. On that late night shit. On that late night shit. Hit me up. Hit me up. On that late night shit. We on it. On that late night shit. We on it. On that late night shit. We on it. Hit me up. Hit me up. I'm a dog, so gon' let a dog bone. One night stand, you wake up, I'm long gone. Girl, quit playing, Juicy J can't be your man. No discussion, bitch, strictly fucking, then toss you with a band. She ratchet, dirty Diana, doing anything to get on the camera. Screenshot trying to get an Instagram up. On the internet, get niggas jammed up. Know your type. The only thing I'm spending with you is the night. Turn you out and hit the face looking right. I might hit it twice. Drill the chick after the club and then I sent the bag. Might as well work at Liz. The way she give me cap, she throwing that like a quarterback. Call me Warren Sapp, I tackle that. Hit me when I'm in your town, I'm smashing that. I ain't the type of nigga thinking about relationships. I be on that late night shit. They going crazy for the DJ when he play the shit. They be on that late night shit. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4, 5 o'clock, 6 o'clock. You can hit your ball. If you ain't the type of bitch talking about relationships, hit me up. Shit. Hit a nigga up. If you bout that life, let's get fucked up. Bring your girls, end up in my tub. But for now, we all in this club. My hands all in your butt. You grabbing all of my words. He can say, she can say, baby, let him talk about it. You know, like I know that they don't know about us. You know, like I know you wanna give me your love. You know, like I know, so baby, tell me what's up. What's up? Baby, you know when the club is over, I'ma let you know ahead of time. Baby, I ain't the type of nigga thinking about relationships. I be on that late night shit. They going crazy for the DJ when he play the shit. Shit. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Change your mind. You never had a one night only, but you don't need. l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Quel sens. Et Justin Bieber. Foreign. Les filles aux quatre coins du monde. Profitez du son. Ça va être. When I'm in it, I be thinking I don't want this thing to stop. No, but I'm thinking that you winning if you make it to the top floor. That probably means you make me feel some type of way. Shout out Miami for having so many foreign babes. She only been here for 2 weeks. Came with the girls, and they trying to be with me. She working hard, like she trying to get a visa. The way she twerking, I just might pull out my visa. After we leave, girl, you know where you going. Where you going? Straight to the tail, you ain't leaving to the mountain. To the mountain. Same old thing, yeah, you know that's your born. That's your born. American, you know I had to cop that foreign. Just like the beat, AJB. What's the word out on the street? Got the phone. No matter who she's with, if she get a remix. After we leave, girl, you know where you going. Straight to the tail, you ain't leaving to the mountains. Same old thing, yeah, you know that's your boring. American, you know I had to cop that phone. Songs avec Justin Timberlake. À l'instant, c'est ce qu'on écoutait dans Planète Rap, 20h-21h, avant de retrouver la radio libre de Default au 01 53 40 30 20. Reviens nous voir quand tu veux. C'est yeah, toujours un véritable plaisir. Whenever you want, it's always a pleasure to have you. What if you say merde, merde? What does that mean? Shit. Ouais, si tu dis merde, Bah ça marche pas. C'est bien, mais par contre, quand on dit merde dans le sens genre. Pas dire merci. Voilà. So how do you know if they're saying it in a positive way? Ah bah oui, comment on sait si c'est positif ou pas? Oh non, I see, I got it wrong. I thought you were talking shit right there. Ah non, voilà, là, il a cru que je parlais de la merde de l'album. Non. So I won't say thank you. Fuck off. Voilà, Dieu va te faire foutre. That's bah, good. C'est sur ces bonnes paroles que je vais te laisser rentrer à la maison. Thank you so much. Merci. I mean, no, my bad. I'm confused. Non, non, Suzy, yeah, you can say I'm confused. I'm confused. He didn't say merde. Not confused. Et là, okay. Il sait plus quoi faire. No, thank you so much. It's always a pleasure to come here. It's always fun. And once again, I'd like to thank all of my fans under the sound of my voice, all of the angels that have been supporting me since the beginning of my career. And even if you just jumped on board today or yesterday, your love is appreciated. Et merci à tous les fans qui le soutiennent depuis le début et même ceux qui le rejoignent aujourd'hui. Voilà, il apprécie leur soutien et leur amour. Thank you. Thank you. Yeah. Yep. 13 songs avec nous sur Skyrock entre 20h et 21h. J'ai une connerie, hein. Le morceau c'était pas Justin Timberlake auparavant qu'on a passé, mais Justin Bieber, le Foreign Remix, extrait de l'album de 13 songs qui est dans les bacs depuis quelques semaines et qu'on a pu écouter avec des extraits à l'instant ainsi que des lives inédits. Demain soir ce sera avec John Legend et avant de se quitter, avant de retrouver la radio libre de Difool, on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette Samsung, ton DVD fiston et aussi 50€ de bon d'achat avec la CRIM. Salut Johanna. Salut. De Perpignan, comment ça va à Perpignan? Il fait beau, Johanna? Ça va, c'est calme. Il a tout le week-end, mais là, il fait beau. C'est Johanna ou Johanna? Johanna. Ah, Johanna, d'accord. Ok, bah écoute, bienvenue, Johanna. Tu es prête à faire tourner? Si, bien sûr, je suis motivée, là. Et tu es motivée, tu peux repartir avec la totale. Samsung Galaxy Tab 3, 50€ offerts par la CRIM. Et DVD fiston, dès que tu veux, tu dis ça, c'est parti. Waouh, il y a du renfort avec toi, Johanna. Je suis avec mes collègues. Avec les collègues, t'es où? T'es au boulot? Non, on est dehors avec mes collègues. Ah bah les collègues, oui, c'est les potos, quoi, c'est les copains dans le chute, c'est vrai. Voilà. Eh bah Johanna, tu vas être contente, tu vas pouvoir faire la fête avec les collègues ce soir puisque c'est la totale pour toi, la Samsung Galaxy Tab 3. Allez hop, c'est fait. Le bon d'achat, 50€ offert par la CRIM et le DVD, fiston, c'est pour toi aussi. Ouais. Est-ce que ça va une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Bon, mais une dédicace à ma mère, à mes frères, à tous mes amis, le bon groupe, à mon chéri et mes enfants. Merci beaucoup. De rien, Johanna. Je t'aime. Merci. Eh ben, bisous à tout le monde. Passez une bonne soirée. Merci là, beaucoup. Ça va être la fête ciao, du côté de Perpignan. Ciao, ciao. On revient cette semaine entre 20h et 21h, le Planète Rap spécial son US demain soir. On sera avec John Legend. Jeudi, ce sera Chris Cab à Paloupé. Et puis vendredi, Schoolboy Q qu'on vous présentera entre 20h et 21h sur Skyrock, semaine spéciale son US. Et alors là, on va essayer de retrouver Difool. Ça y est. Ah, tu es là. Ça y est, ouais, on est là, ça y est, c'est parti. J'étais pas vu passer. Non, on était au Brésil, on avait fait un tour au Brésil. On est revenu en express pour suivre le match en direct et avec vous sur Skyrock ce soir. C'est Brésil-Allemagne. Ouais. Fredo, un pronostic? Bah, j'aimerais bien que le Brésil nous venge. Bah grave. Oui, voilà, aussi, donc allez, un bon petit 2-1. Voilà, avec une majorité de l'équipe qui est pour le Brésil, qui est pour l'Allemagne ce soir. Ah bon? Moi, je suis pour le Brésil, mais je vois l'Allemagne gagner. Qui a pronostiqué l'Allemagne. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, on va dire. C'est ça. Donc, on va suivre ça dans un instant en direct sur Skyrock. Le Brésil contre l'Allemagne, la soirée foot, plus vous tous en direct, plus la traduction des bugs. Ouais. On salue les BTS, qui ont eu leur BTS aujourd'hui. Ah là, ouais, bah ils nous ont laissé des messages, j'ai vu des messages qui défilaient déjà tout à l'heure. Bravo à vous. Et puis, on va passer une belle soirée ensemble. Et puis, on se prépare pour demain, Fredo. Suite du Planète Rap spécial Rap US. John Legend demain. Ouais, nous, on va faire rap français dans un instant. C'est DJ Amida qu'on va retrouver là. Ah, bah c'est bon ça, le son déconnecté, le son de l'été. Le son déconnecté, le son de l'été. Ouais, carrément. Ah, les pronostics arrivent. Brésil pour l'inconnu. Brésil 2, Allemagne 1 pour Soso. L'Allemagne qui gagne pour Alias. Allez, l'Allemagne 2-1 pour Jules. Albania nous dit Brésil 0, Allemagne 1. Ah, c'est partagé. On va suivre ça en direct. Beaucoup, comme on dit, d'émotions. D'émotions, oui, du beaucoup, Brésil. Beaucoup d'émotions. À suivre ce soir. Merci Fredo, à demain. De rien. T'en retrouves demain, juste avant 20h. Ça roule. Et là, c'est parti. Toute l'équipe est là, on y va. C'est parti pour la radio libre en direct. On y va tout de suite. Ciao. Avec DJ Amida. Ciao Fredo. Ciao.